tu veux du rap lourd, c'est du rap de crapule. Sors tu six bulles pour représenter mes petits quartiers. Et ouais, Roya, tu veux faire quoi? Bien tester. Tu verras, tu verras. Tu veux du rap lourd, c'est du rap de crapule. Sors tu six bulles pour représenter mes petits quartiers. Et ouais, Roya, tu veux faire quoi? Bien tester. Tu verras, tu verras. Mes frères du terre-terre, du NSO au plateau, du plateau à la ZAC, de la ZAC à la Guimère, de la Guimère à Villers, toujours des terres pour encaisser les billets verts. Vert, c'est la couleur de mon drapeau, blanc, la couleur de ma feuille et de ma feuille slim. Ouais, c'est elle qui m'inspire, c'est Marie-Jeanne, ouais, c'est Méridiane. Tu veux du rap lourd, à croire que le tien pourrait rivaliser? Bah, viens tester, on verra c'est qui sera humilié. C'est zéro, dans mon cas, on est des milliers. Dans la rue, c'est la gêne, au lieu de s'entraider, mais ça s'entrecule. Vas-y, recule, moi j'avance, fais partie de ceux qui s'éjaculent sur le drapeau de la France. Et comme ça, concert tous les quartiers de la France. On est plus des milliers, mais des millions. On veut tous toucher le pactole, et ça, sans mettre un pied en tôle. Je représente mes frères qui sont en tôle, et nos frères qui nous ont quittés. Nous sommes à cause des vampires policières, ou à travers la prison, ou histoire d'un règlement de compte. Et voilà qu'il y a du monde, et le gouvernement n'a même pas honte. Et à cette heure-ci, je viens te raconter les faits, les dégâts, les soucis, les tracas, dans même du ciel. On se blasse, c'est pas la ghetto. Je viens représenter mon putain de 6-0. Si tu remasses, c'est coup de marteau. Et ouais, mon pote, s'il y a trop de gens qui se marrent trop derrière ton dos, vis qu'il est, ils sont là, par intérêt. Si tu la bite, mec, parce que t'as du blé. Ouais, Roya, c'est la galère. Crame un joint de BR. Histoire qu'on s'aère, l'esprit, ça monte sur Paname. Histoire de sortir de ces ambiances. On garde ses putes, se fuit à mon élégance. Enfile les gants et la cagoule. On s'en bat les couilles, y'a plus rien à faire. À part se tourner les pouces, on va des tours. Soit t'as du shit, soit t'as des carambars. Ça tape des barres après avoir mis une hesba. Et c'est la contracte à la santé du chétan. Tous réunis comme des ânes, mec, depuis des années. On attache trop dans nos cahiers, maintenant en train de se les cahier. Et en tous en train d'espérer dégainer le Cayenne. Réunis entre yens, je vais représenter mon 6-0. Mon pote, si tu remas, ça part en yoku. Il ne t'étonne pas si je suis toujours tout seul pour t'affronter. Ouais, mon pote, je suis déterminé comme ce Pakistanais qui se déboule de nulle part. Moi, je vais te belviser si t'es pas content. Tiens, la lame est bien aiguisée pour entrer dans ta côte. Et ouais, mon pote, moi, je te boycotte et tout à côte. Et si tu veux boycotter, mes putains de pitbulls. Ah, ils sont dangereux. Mon 6 bulles, ils sont dangereux, c'est vrai. T'étonnes pas. T'es visé la fouine, t'as ça. T'as l'IDM, BDO. Tu veux du rap lourd, c'est du rap de crapule. Sors du 6 bulles pour représenter mes petits quartiers. Et ouais, Roya, tu veux faire quoi? Bien tester. Tu verras. Tu verras. Tu fais du rap lourd, c'est du rap de crapule. Sors du 6 bulles pour représenter mes petits quartiers. Et ouais, Roya, tu veux faire quoi? Bien tester. Tu verras.